Le père de Sainte Thérèse par Céline. Les débuts du mal. Pour résumer les diverses phases de la maladie de mon père, j'ai utilisé, non seulement mes souvenirs très présents, mais les notes de mon carnet intime qui, semblables aux stations d'un chemin de la croix, les donne inscrites au jour le jour. Au cours de toute son existence, notre père s'était montré d'un tempérament résistant et robuste. Vers 1876, seulement, un incident l'avait forcé à recourir au médecin. Un jour, à la pêche, aux environs d'Alençon, il avait été piqué à la tête, derrière l'oreille gauche, par une mouche charbonneuse. Ce ne fut d'abord qu'un tout petit point noir, dont il ne souffrait presque pas. Plus tard, le mal progressa et devint inquiétant. On consulta plusieurs docteurs, à Lisieux et ailleurs. Les traitements divers et réitérés qu'il dut supporter furent extrêmement douloureux. Surtout les derniers, en 1888. Mon pauvre petit père endurait alors un véritable martyr. Lui, si courageux, ne pouvait plus travailler et parcourait le jardin à grands pas. Il nous disait, à Léonie et à moi, d'une voix déchirante, « Ô mes enfants, priez pour moi. » Ce mal était un épithélioma. Il s'était étendu grand comme la paume de la main. Cette infection localisée ne devait se résorber que très lentement et dans les derniers mois de sa vie. On resta persuadé, dans la famille, que les accidents cérébraux, dont je vais parler, n'étaient pas étrangers à ces souffrances intolérables, alors que leur point, culminant, gênait des poussées durées, coïncidait avec celui d'un fléchissement profond de sa santé. Les préliminaires de ce fléchissement s'étaient manifestés l'année précédente, où notre père allait atteindre ses 64 ans, quand, le 1er mai, à l'heure du réveil, il eut une attaque de paralysie dans tout le côté gauche. Avec son énergie ordinaire, il voulut quand même aller, avec nous, à la messe de 7 heures, comme il le faisait chaque jour, pour communier au début du mois de Marie. Il avait la langue embarrassée et traînait péniblement la jambe. Il nous dit, à Léonie, à Thérèse et à moi, « Mes pauvres enfants, nous sommes aussi fragiles que les fleurs des arbres printemps. Le soir, nous avons comme elles un aspect magnifique. Le matin, une heure de gelée nous a flétris et abattus. » Notre oncle Guérin, mis au courant, exigea que papa se couchât et lui appliqua douce sangsues. À part quelques défauts de mémoire, il se remit suffisamment pour le recevoir les confidences de Thérèse sur sa vocation et l'accompagner dans toutes ses démarches. Il eut encore deux autres attaques de paralysie au cours de l'année, jusqu'en mai 1888. Pendant ce mois, il se rendit à Alençon, et, dans son ancienne église paroissiale, rassemblant tous ses souvenirs, il fut l'objet d'une inspiration qu'au retour il contait lui-même à ses carmélites, dans une entrevue au parloir. « Mes enfants, je reviens d'Alençon où j'ai reçu, dans l'église Notre-Dame, de si grandes grâces, de telles consolations, que j'ai fait cette prière. Mon Dieu, c'en est trop. Oui, je suis trop heureux. Il n'est pas possible d'aller au ciel comme cela. Je veux souffrir quelque chose pour vous. » Et je me suis offert. Le mot victime expira sur ses lèvres, écrit Thérèse, il n'osa pas le prononcer devant nous, mais nous avions compris. C'est vers la fin de ce mois de mai, après la prise de voile de Marie, à laquelle il assista, que son état nous donna de nouvelles inquiétudes. Il commença à montrer plus d'émotivité. Les larmes lui venaient facilement aux yeux, je dois dire, à la vérité, qu'avant sa maladie, jamais je ne le vis pleurer, sauf à l'extrême onction de notre mère. Souvent, à la lecture de pages sublimes, ou en entendant un émouvant discours, son visage se trahissait, ses yeux s'embuaient, mais c'était tout. Et cela quelque attendrissante que fussent les occasions, car il ne se troublait pas et restait parfaitement maître de ses impressions. Quand il eut connaissance de ma vocation, après le 16 juin, une sorte d'idée fixe, puisée dans sa piété même, s'installa peu à peu en lui. Il désirait se retirer dans une solitude pour y vivre en ermite. C'est pour cela, sans doute, qu'il voulut mettre ordre à ses affaires et trouver, pour sa fortune, des placements de tout repos, afin d'assurer l'avenir matériel de ses filles. Il fit, dans ce but, divers voyages à Paris, mais j'étais ému d'entendre parler de papa avec un tel air de respect et de vénération. Vous voyez, ma mère chérie, comme notre cher petit père est aimé et apprécié partout. Cependant, son état de dépression physique s'accentuait, et je le notais à Thérèse, le 22 juillet 1888. Papa me semble maintenant si vieux, si usé. Si tu le voyais s'agenouiller, tous les matins, à la table de communion. Il s'appuie, c'est comme il peut. C'est à faire pleurer. Je ne m'attarderai pas à décrire diverses périodes d'angoisse. Notre père en avait conscience, car il gardait sa perspicacité, en dehors de ses absences. C'est ainsi qu'il dit, un jour, à ses filles carmélites, « Mes enfants, ne craignez rien pour moi, car je suis l'ami du bon Dieu. » Au plus fort de la douleur, nous avions fait mettre, dans la chapelle du Carmel, au-dessous de l'image de la Sainte Face, une plaque de marbre, avec ces mots gravés en lettres d'or, « Sit nolumen Domini Benedictum. Famille Martin, 1888. » Cette plaque est aujourd'hui enchâssée derrière le tabernacle du maître-autel. La maladie de notre père retarda la prise d'habit de Thérèse jusqu'au 10 janvier 1889. Quand elle fut fixée, il la prépara par de nombreux cadeaux. Il voulait que sa reine fût royalement parée d'une robe de velours blanc, garnie de signes de points d'Alençon. Bien qu'en retraite, la petite fiancée de Jésus lui adressait un message de reconnaissance, avec la permission de sa prieure, en précisant. S'il est défendu d'écrire, c'est pour ne pas troubler le silence de la retraite, mais peut-on troubler sa paix en écrivant à un saint? Thérèse a raconté, dans son manuscrit, cette belle journée. La fête fut ravissante, et la plus belle, la plus ravissante fleur était mon roi chéri. Jamais il n'avait été plus beau, plus digne. Il fit l'admiration de tout le monde. Ce jour fut son triomphe, sa dernière fête ici-bas. Papa l'attendait à la porte de clôture. Quand elle parut, il la pressa sur son cœur, avec des larmes dans les yeux. Ah! S'écria-t-il, la voilà donc, ma petite reine. Puis, lui offrant le bras, il l'introduisit solennellement dans la chapelle. Nous qui l'avions vu si malade, nous ne pouvions assez remercier Dieu de le retrouver si vaillant. Un petit détail touchant, le cher frère Siméon avait obtenu du pape, pour lui et pour Thérèse, à cette occasion, une bénédiction spéciale. Fin janvier, papa alla seul à Alençon pour affaires. Ce fut la dernière fois. Mais cette accalmie fut de courte durée, Thérèse écrit dans son autobiographie, faisant allusion au maître-autel de Saint-Pierre. Papa venait d'offrir à Dieu un autel. Ce fut lui la victime choisie pour y être immolée avec l'agneau sans tache. Un peu plus loin, elle déclare, « La journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi. Je la compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux. Comme celle de notre divin maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celle qui m'était réservée. Je ne savais pas que, le 12 février, un mois après ma prise d'habit, notre père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. À ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Hélas, de nouvelles éclipses étant survenues, avec des poussées congestives plus fortes, notre oncle, M. Guérin, insista, dans l'intérêt même de notre cher malade, pour qu'on le fît soigner dans une maison spécialisée. Et le 12 février, jour douloureux que Thérèse appelait notre grande richesse, notre vénéré père fut confié au bon sauveur de Caen. Il y alla sans savoir où on le conduisait, mais il le comprit aussitôt qu'il y fut entré, et la réaction se mua en des sentiments d'humilité et d'abandon à la divine providence. Dès son arrivée, il conquit l'estime de tous, en sorte que la révérende mère Lecoquille, assistante générale à la maison de santé, m'écrivait « Vous pouvez être convaincu que votre cher malade, qui inspire à tout le monde une profonde vénération, est l'objet des plus délicates attentions. » Le 19 février, Léonie et moi étions venus prendre pension chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul, à Caen, pour être plus près de lui et recueillir tous les jours de ses nouvelles. Pendant nos visites, quand son état était relativement bon, il ne cessait de nous répéter « Je suis très bien ici et j'y suis par la volonté de Dieu. J'avais besoin de cette épreuve. Puis, je fais de l'apostolat autour de moi. Combien ont besoin de conversion ?» Les dévoués gardes malades soutenaient d'ailleurs son zèle avec cette pensée, ainsi que je l'écrivais à mes sœurs carmélites, quelques jours plus tard. La religieuse a dit à papa qu'il leur rendrait grand service en ramenant tous les malades impies au bon Dieu. « Vous êtes apôtre, lui dit-elle. C'est vrai, a repris notre cher petit père, mais j'aimerais mieux être apôtre autre part que là. Enfin, puisque c'est la volonté du bon Dieu, je crois que c'est pour abattre mon orgueil. Si vous saviez, mes chères petites sœurs, comme cette parole m'a été au cœur, j'ai trouvé papa si saint. À quelque temps de là, il faisait au docteur une déclaration analogue. J'avais toujours été habitué à commander et je me vois réduit à obéir. C'est dur. Mais je sais pourquoi le bon Dieu m'a donné cette épreuve. Je n'avais jamais eu d'humiliation dans ma vie, il m'en fallait une. Le médecin reprit. Eh bien, cela peut compter. La révérende mère qui dirigeait la section de l'établissement où était notre père se nommait Mère Costard. Ce m'était un adoucissement de constater ces délicates prévenances pour notre malade, et je le confiais à mes sœurs, dès le 4 mars. Mère Costard soigne le papa absolument comme s'il était son père. Depuis le peu de temps qu'il est ici, me disait-elle, il a su se faire aimer, et puis, il a quelque chose de si vénérable, on le devine porteur d'une mystérieuse épreuve. Et un peu plus tard, Mère Costard m'a dit qu'elle agissait pour papa comme elle aurait fait pour son propre père, qui est dans le même état, mais chez lui, soigné par son fils. Elle dit bien, elle-même, que c'est une grâce du bon Dieu si elle sent, tout, aussi vivement, à l'égard de notre père chéri. De Sœur Costard à Mère Marie de Gonzague, 17 juillet 1889. Fragment. Notre vénérable patriarche est un peu plus calme ces jours. Je lui ai remis le petit paquet de ses chères carmélites et il a paru très content. Nous avons parlé assez longuement de toutes ses bien-aimées filles, en apprenant que Mesdemoiselle Léonie et Céline étaient en voyage. Elles sont en vacances à la Musse avec la famille Guérin, du 6 au 20 juillet. Il s'est écrié, tant mieux, dites-leur de rester aussi longtemps que leur bon oncle le jugera nécessaire. Je ne veux pas qu'elles reviennent à cause de moi. Je suis bien, très bien, ici. Quand ma mission sera achevée, j'irai les rejoindre. Mais ce ne sera pas de si tôt car j'ai beaucoup à faire pour convertir tout votre monde. Il y en a qui sont si endurcis. Ce vénérable vieillard ne prêche que la plus grande gloire de Dieu. Il est vraiment admirable. Non seulement il ne se plaint jamais, mais il trouve tout ce qu'on lui donne excellent. Sur la demande de ses enfants, je lui avais fait acheter des fraises et des framboises qui lui ont fait plaisir, mais on n'en trouve presque plus. Je ne sais quoi lui offrir maintenant, car je ne puis obtenir qu'il me fasse connaître ses goûts, et, pourtant, quand on lui donne quelque chose de particulier, ce sont des remerciements sans fin. Note, il ne voulait pas en profiter seul et partager avec ses voisins de table, ce qui faisait le désespoir et l'édification de la bonne mère Costard. Voudriez-vous, ma révérende mère, assurer sœur Marie du Sacré-Cœur et ses chères sœurs de tout mon dévouement pour leur si bon père, et leur dire que je ferai toujours tout ce qui me sera possible pour les remplacer auprès de lui. Je ne leur demande en retour qu'un petit souvenir pour les miens. De sœur Costard à Céline, le 27 mars 1890. Fragment. J'ai reçu votre lettre hier soir, trop tard pour y répondre. Votre excellent père est à peu près comme vous l'avez vu, mais ses jambes ne peuvent le porter. Monsieur Martin ne quitte point son lit. Si vous habitiez un endroit isolé, je vous conseillerais de le prendre, car il n'est point difficile à soigner et ce serait une consolation pour lui de se retrouver au milieu de vous. Ce qui me porte à vous donner ce conseil, c'est que votre bon père n'essaie même pas de se lever, il faut que ses jambes soient bien prises pour qu'il tienne ainsi. Nous nous unissons à vous pour la neuvaine et, chaque jour, je fais une petite croix sur le front de notre cher malade avec l'huile de la Sainte Face. Monsieur Martin a reçu les lettres de ses carmélites et, en les lisant, il pleurait abondamment. C'est vraiment touchant de voir l'affection de ce vénérable vieillard pour sa famille. De sœur Costard à sœur Agnès de Jésus, sœur Marie du Sacré-Cœur et Thérèse, fragment. 27 mars 1890, j'ai remis vos lettres à votre bon père qui en a été si heureuse et m'a demandé quand est-ce qu'on viendra le chercher pour retourner à Lisieux. En allant à la maison, me dit-il, j'irai dire adieu à mes carmélites, car sans doute, je ne les reverrai plus. Licence Creative Commons CC 3.0F, pas d'usage commercial. Partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum-michael/monique. Les lettres de Sœur Costard se trouvent sur le site en ligne des archives du Carmel de Lisieux.